a les couilles, nique la chemiture en bas des tours, ça sent la mort. Fils de pute, bienvenue dans le four. Jour et nuit, on court après l'oseille. On m'a dit que le crime paye. Et j'en ai perdu le sommeil. Petit comme des parasites, s'inventer la paraffine. Zine, tous illicites, le four est devenu une grosse usine. Je morphine comme un T.I. calibré, y'a pas de box taille, y'a pas d'attaille, alors taille toujours prêt pour la bataille. Je voulais faire mes bails et me tout tailler. Impossible, je suis marié avec la kiki caillée. J'ai trop raqué caillé. Trop kiki caillé. Trop vu de frères déraillés. Faut pas parler, mais agir. J'ai la rage comme un lion en cage en train de rugir. Ça s'agir pas facile. Ici, tout tient qu'à un fil. Le cœur te pète sur un coup de fil débile. On se faufile entre les mailles du filet. Fais pas le fou, y'a que dans tes clips, fils de pute, tu portes un gilet. Se faire plier, ça arrive à tout le monde. On trouve toujours plus fort que soi dans ce putain de bas monde. Ça se plombe pour des brotiti. On a tous les outils. Calibre dans la fosse Gucci. On traîne, on s'engraine. J'suis cette mauvaise graine. Les stupes, une vraie gangrène. Si la reine des putes, c'est la rue. Le bif, c'est le roi. Mais pas les bœufs avant la charrue. Petit marche droit, même dans le froid. Ça fait des têtes de pépé. Toujours en PPP. Comme une cocagne ultra dope PPP. Sur pépé, ne m'appelle pas d'homme. J'fais mes chrums, même j'ai le troll seum. Niquez vos rums. J'ai trop merdé, trop fait de conneries. Fils de putain de ta mère, la reine des putes, fais pas le chien de conneries. Fais pas le cori, évite leur patrouille, n'est pas la trouille, porte tes couilles, fais marcher ta citrouille. Fais pas le cori, évite leur patrouille, n'est pas la trouille, porte tes couilles, fais marcher ta citrouille. On a la drogue, on a les couilles, nique la chemiture en bas des tours, ça sent la mort. Fils de pute, bienvenue dans le four. On a la drogue, on a les couilles, nique la chemiture en bas des tours, ça sent la mort. Fils de pute, bienvenue dans le four. Après l'oseille, on m'a dit que le crime paye. Et j'en ai perdu le sommeil.